Le grain de sable d'Attaque Québec. À qui ou autre monde est possible si un gentil quiser. À qui ou autre monde est possible si un gentil quiser. Aujourd'hui au Grain de Sable, démocratie, oligarchie, dette et bien plus encore. Bonjour, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale. Une émission préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde ce soir est assurée par notre camarade Fabien Dubuis. Au programme aujourd'hui, on va commencer l'émission avec une nouvelle collaboratrice, Nicole Moreau. Alors, Nicole est retraitée et passionnée de politique. Elle va venir nous parler de l'état de notre démocratie à travers la présentation du dernier livre de Hervé Kempf qui s'intitule « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Cédric Leterme sera également avec nous en studio un petit peu plus tard. Donc, il viendra nous parler de la dette du tiers-monde et de l'expérience de certains pays qui ont tout simplement décidé de ne pas la payer. On verra si l'apocalypse s'est abattu sur eux ou si, comme vous vous en doutez, ils ne s'en portent finalement pas plus mal. Et puis enfin, c'est Robert Jasmin qui passera la seconde partie d'émission avec nous dans le cadre de sa chronique mensuelle. Donc, encore un beau programme aujourd'hui, mais avant d'attaquer, on se quitte d'abord un court instant le temps d'une pièce musicale. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite après sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300 ans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 300 ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... C'était Jacques Brel avec Les Bourgeois, une chanson toujours d'actualité quand on parle d'oligarchie. Tout à fait, Fabien. Merci. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec. On a le plaisir d'accueillir une nouvelle recrue à l'émission, Nicole Moreau. Donc, c'est les premiers pas à l'antenne. Nicole, bonsoir et bienvenue dans l'équipe. Alors, Nicole, vous êtes actuellement à la retraite après avoir travaillé comme chercheuse dans les domaines notamment de l'éducation et du travail. Mais vous avez également travaillé sur la question de l'économie sociale, donc toute une expérience que vous allez pouvoir nous partager ici à l'émission. Alors, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui? On se pose la question à propos de l'intérêt ou du désintérêt des citoyens et des citoyennes concernant la vie politique, les choix de nos politiciens. Excusez-moi. Un petit chat dans la gorge, je vous prie de m'excuser. La participation aux élections, à quelque niveau que ce soit, tous les sondages le confirment, les gens, de façon générale, se méfient des politiciens, ne croient plus dans leurs discours et vont, en proportion toujours moindre, exprimer leurs choix lors des élections. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré cette réflexion? Un journaliste du prestigieux quotidien Le Monde, Hervé Kempf, donc, vient de publier un livre dont vous parliez tantôt et qui propose une explication. Son titre, c'est « L'oligarchie, ça suffit. Vive la démocratie ». Pour Kempf, nous sommes entrés dans une ère marquée par la domination d'une petite classe de puissants qui discutent entre pairs et imposent ensuite leurs décisions à l'ensemble des citoyens. Ce qui revient, à toute fin pratique, à vider la démocratie de son sens. Alors, faites référence à un concept dont on parle pas beaucoup, en tout cas l'oligarchie. Alors, comment ça se définit? À l'époque des Grecs qui ont inventé le concept, l'oligarchie représentait un véritable choix politique avec la royauté et la démocratie. L'oligarchie se voulait alors un regroupement de sages au service de la communauté. Oui. Aujourd'hui, c'est l'argent qui sert de passeport pour entrer dans le cercle des grands milliardaires, les nouveaux oligarques. Les membres de cette caste ont troqué la culture nationale pour la mondialisation. La prépondérance de la mondialisation est maintenant codifiée dans des ententes économiques comme celle de l'ALENA ou celle qui se négocie présentement entre l'Europe et le Canada. Oui. Des auteurs définissent maintenant la démocratie non comme la recherche de l'intérêt général, le pouvoir de tous, mais plutôt comme la défense de droits individuels que certains voient comme l'assise de la méritocratie. C'est alors la justification des inégalités que la démocratie était censée niveler. Kempf estime que la politique réelle est définie en privé dans la négociation entre les gouvernements élus et les élites qui représentent de manière écrasante les intérêts des milieux d'affaires. Il n'est pas le seul à aller dans ce sens-là. Ainsi, Maurice Tardy, professeur à la Faculté des sciences et de l'éducation de l'Université de Montréal, se posait une question similaire dans un article paru dans Le Devoir le 19 novembre dernier. Je le cite, « Se peut-il que la crise actuelle, on fait référence ici à la crise économique que nous venons de traverser et dont nous ne sommes pas encore sortis, révèle cette vérité sur nos élites dirigeantes, à savoir qu'elles œuvrent en temps normal dans la complicité feutrée des cabinets ministériels et des conseils d'administration, avant tout pour leur propre profit et non pas pour notre bien collectif. » Une autre universitaire, Louise Vandelac, directrice de l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM, se positionne aussi sur la question de la démocratie, quand elle souligne la puissance des lobbies dans la sphère publique qui représente, selon elle, une tendance d'appropriation par le privé de biens collectifs publics comme les ressources naturelles et même les services publics. Alors, tout à fait préoccupant, là, cette réflexion. Alors, si on résume votre propos, ce serait quoi l'objectif visé? L'objectif visé dans un régime oligarchique est de maintenir les privilèges des nantis. Warren Buffett, célèbre milliardaire, disait récemment à un journaliste, il y a une lutte des classes. Tout à fait, mais c'est ma classe. La classe des riches qui mène la guerre et nous la gagnons. Il a dit ça. Oh, wow. Les oligarques se sont aussi donné des institutions, la trilatérale et le groupe Bilderberg. Ah bon? Ils se rencontrent annuellement à Davos, événement toujours très médiatisé, où des politiques économiques des États font l'objet de discussions. Tout cela explique le sentiment d'impuissance partagé par une couche de plus en plus large de la population, de même que la désaffection à l'égard de la politique. J'ai un exemple à donner dans cette ligne-là. Mm-hmm. Pour la Société québécoise, Louis-Gilles Francoeur disait, après avoir lu le livre d'Hervé Kempf, qu'il avait l'impression d'avoir parcouru le dossier des gaz de schiste. Ça n'en dit long. Quand même. Les oligarques. Hein? Ben oui, tout à fait. Eh bien, est-ce que l'on peut compter sur les médias dans un tel contexte? Si on pense à au point de vue de d'Ignacio Ramonet du monde diplomatique, la mondialisation libérale telle qu'on la connaît depuis 15 ans, les médias longtemps considérés comme un quatrième pouvoir ont perdu leur sens de contre-pouvoir, de critique, d'autant que les moyens de communication de masse se regroupent de plus en plus au sein d'architectures foisonnante. Au Québec, on n'a qu'à penser à la convergence prônée notamment par Québécois. Donc, c'est un peu comme les médias sont un peu au service d'eux. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Donc, mais est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Les grands universitaires en voient deux, relativement exigeantes. En termes sociétales, pour Kempf, la voie de solution serait la responsabilisation de chacun d'entre nous, ce qui suppose de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on nous montre, d'accepter de voir ce qui ne va pas et d'agir en conséquence. Oh, c'est un beau, quand même, c'est un beau programme. C'est un gros programme. Le refus de l'oligarchie, c'est d'abord voir les risques écologiques et sociaux que le capitalisme comporte. Il s'agit d'une voie exigeante fondée sur la culture et l'ouverture d'esprit, à laquelle il est possible d'adhérer à l'instar de nombreuses personnes qui s'y sont déjà engagées. Quant aux médias, la voie privilégiée serait de créer une force civique citoyenne qui s'opposerait au super-pouvoir des médias, des grands groupes médiatiques complices et diffuseurs de la globalisation libérale. Ramonet estimait qu'une réflexion soit enclenchée sur la manière dont les citoyens pourraient demander aux médias davantage d'éthique, de vérité, de respect, d'une déontologie qui permette aux journalistes d'agir en fonction de leur conscience, non en fonction des intérêts des groupes, des entreprises et des patrons qui les emploient. Cela servirait à contrer le fait qu'à l'instar des autres grandes entreprises et des oligarques qu'on y retrouve, les grands médias privilégient leurs intérêts au détriment de l'intérêt général et confondent leur propre liberté avec la liberté d'entreprise, considérée comme souvent par les oligarques comme la première des libertés. Mm-hmm. Alors, la liberté, on peut conclure en disant que la liberté d'entreprise ne peut en aucun cas prévaloir sur le droit des citoyens à une information rigoureuse et vérifiée, ni servir de prétexte à la diffusion consciente de fausses nouvelles ou de diffamation. Oui, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, très intéressant aussi. Puis, on pourrait parler également de la censure, hein, n'est-ce pas? Oui, et ça fait référence à ce qui est présentement discuté sur la possibilité d'avoir des nouvelles dont on peut douter de la véracité. Tout à fait. Alors, bien, merci Nicole de nous avoir apporté un éclairage très intéressant sur ce sujet et en particulier l'oligarchie. Alors, je rappelle le titre du livre, donc s'intitule « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » de Hervé Kempf. Alors, merci. On va devoir s'arrêter là le temps d'une pause musicale. Et on se retrouve tout de suite après avec Cédric Leterme pour parler de la dette du tiers-monde. À tout de suite. Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée. Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric. Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric. Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric. Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins de Sylvain, les plaisirs de débit, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Afrique mal dirigée, tyrannisée, manipulé, dévalué. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. La somme des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, du fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. L'Afrique doit encore, après 400 ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptent de compter les sales sous de sa soupe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes des frics volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet, du fouet, les gombos des bongos, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Est-ce que l'Afrique doit encore? Non. Est-ce que l'Afrique doit encore? Non. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. C'était Tiken Jah Fakoly, l'Afrique doit du fric. Encore un sujet intéressant pour notre prochain sujet que va aborder Cédric, à savoir la dette. Tout à fait, merci Fabien. Alors, vous êtes toujours au grain de sable sur les ondes de CKRL. C'est Valérie Blouin au microphone, toujours en compagnie de Cédric, avec qui on va se tourner maintenant vers la question de la dette, comme tu disais Fabien, donc la dette du tiers-monde, avec une conférence qui a été donnée sur le sujet par Éric Toussaint. Oui, exactement. Alors, bonsoir tout le monde. Éric Toussaint, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le président de l'ONG CADTM. Alors, CADTM, c'est-à-dire Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. C'est une ONG d'origine belge. Donc, je salue mon compatriote avec beaucoup de plaisir. Et alors, cette ONG-là, bon, elle a été créée il y a un petit moment, comme son nom l'indique, évidemment, pour lutter pour militer plutôt pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc elle est d'origine belge, mais elle a essaimé vraiment partout à travers le monde, et maintenant elle est présente dans plus d'une vingtaine de pays, notamment beaucoup de pays africains qui ont repris évidemment à leur compte cette thématique-là, ce combat-là. Alors l'ONG, en fait, pour revendiquer l'annulation de la dette du tiers-monde, elle part du constat que cette dette est majoritairement, selon elle, illégitime. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une dette qui a été acquise, qui a été contractée par les pays en développement de manière souvent un peu frauduleuse, souvent sous des dictatures. En tout cas, l'utilisation de cet argent-là, ben, a, dans la très grande majorité des cas, absolument pas favorisé les populations locales. Ça a donné lieu à beaucoup de corruption. Ça a aussi été rendu au Nord sous par l'intermédiaire de contrats pour faire construire des choses. Donc en fait, c'est de l'argent qu'on prête au Sud pour qu'ils nous achètent nos propres biens ou pour qu'ils nous souscrivent des contrats. Quand donc même. En partant de ce constat-là et en disant que finalement, une fois que le processus de l'endettement s'enclenche et que le surendettement surtout s'enclenche, ben c'est un véritable moyen d'asservissement et d'esclavage finalement pour maintenir ces pays-là dans la sphère et sous l'influence des pays riches. et notamment en les forçant aussi à se tourner vers les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale qu'on connaît très bien, qui, une fois qu'ils ont la main sur ces pays-là, leur imposent évidemment des mesures, leur imposent des politiques économiques et leur enlèvent toute souveraineté et toute indépendance pour poursuivre leur propre développement en imposant notamment des projets de privatisation, de libéralisation de leur économie, etc. Alors quand même, en tout cas, ceux qui veulent en savoir davantage, évidemment, il y a un site internet, donc le CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Oui, et également, vous pouvez vous inscrire et avoir un bulletin. Oui, tout à fait. Vraiment très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site si vous allez avoir plus d'informations sur leurs analyses. Ils ont écrit aussi pas mal de livres sur la question, sur les origines de la dette. Souvent, cette dette-là, elle remonte en fait à l'époque coloniale, où les métropoles coloniales contractaient des dettes auprès des bailleurs de fonds internationaux au nom de leur colonie pour pouvoir financer l'exploitation de ces colonies-là. Et une fois que ces colonies-là accédaient à leur indépendance, elles se voyaient reporter le poids de la dette qui finalement ne leur avait absolument pas profité. Donc, on voit que c'est vraiment des choses qui remontent très très loin. Et donc, ils ont écrit une quantité de livres là-dessus pour étudier cette origine, pour étudier aussi les mécanismes qui perpétuent cette dette au jour le jour sur le rôle des institutions financières internationales dont je viens de parler. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un site très intéressant, je vous invite à aller le voir. Alors pour en revenir à Éric Toussaint, donc il a donné une conférence sur la question, alors dans laquelle il explique que c'est possible finalement pour un pays de simplement refuser de payer sa dette. Voilà, exactement. Wow. Je trouvais que ça quelque chose d'assez intéressant. Il a donné cette conférence-là dans le cadre du Forum social mondial. Ce qui est vraiment intéressant, et finalement c'est révélateur aussi quelque part du basculement qui est en train de s'opérer dans les relations internationales, du fait que les pays du Sud s'affirment de plus en plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la démarche où on demande aux pays riches d'annuler la dette, où on demanderait finalement l'aumône, on espère qu'ils vont être compatissants et on espère une petite pointe d'humanisme dans le chef de ces grands dirigeants-là. Ben on inverse en fait maintenant le point de vue et on dit tout simplement aux États qui sont en proie à cette dette qui est illégitime et qui est profondément immorale, tout simplement d'arrêter de la payer. Donc là, on a vraiment un point de vue qui est assez intéressant, je trouve. Et Éric Toussaint, dans sa conférence, il prenait l'exemple de trois pays d'Amérique du Sud, à savoir l'Équateur, l'Argentine et le Paraguay, qui ont, d'une manière ou d'une autre, refusé de payer leurs dettes. Ah, tout simplement. Tout simplement, voilà, comme ça. Alors, ils s'en portent pas plus mal. Et ils s'en portent même nettement mieux. Ah, c'est oui? Ça qui est particulièrement intéressant à voir. Parce que, évidemment, on nous dit toujours que, vous n'y pensez pas, ça va être le cataclysme, ils vont être mis au banc de la communauté. Oui, des sanctions, ils vont être mis au banc, ils auront plus de financement, etc., etc. On connaît la musique. Il explique à travers ces trois cas-là que c'est loin d'être le cas. On avait d'ailleurs vu un cas similaire il y a deux semaines ici à l'émission. On a parlé de l'Islande qui s'est retrouvé un peu dans la même situation, qui s'est retrouvé à devoir faire face à des engagements pris par ses banques vis-à-vis de clients étrangers et qui a tout simplement refusé, malgré une immense pression internationale, de payer pour les erreurs de ses banques. Et il ne s'est rien passé et l'Islande se porte même beaucoup mieux que d'autres pays européens qui, eux, ont repris à leur charge les frasques de leurs banques. Alors, le cas que Éric Toussaint cite dans sa conférence, il en a cité plusieurs, mais le plus intéressant probablement, puisque c'est un sur lequel il a travaillé de près, c'est le cas de l'Équateur, en fait. Alors, le cas de l'Équateur, suite à l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa, qui est donc le président actuel de l'Équateur, qui est un président de gauche, qui s'est rallié à cette axe de gauche radicale, Chavez, Morales, etc. Suite à son arrivée au pouvoir en 2006, il a tout de suite demandé un audit de la dette. C'est-à-dire qu'il a demandé à un comité d'experts, dont faisait partie justement Éric Toussaint, de se pencher sur la dette, d'éplucher tous les détails, tous les contrats, etc., entre 1976 et 2006, pour établir la légitimité de cette dette. Et suite aux travaux qui ont été réalisés par cette commission-là, ils en sont arrivés à la conclusion que 80% de la dette de l'État équatorien était illégitime. Et donc, suite à ces décisions-là, le gouvernement équatorien a décidé, par une décision unilatérale et souveraine, de suspendre le remboursement de la dette, ce qui lui a permis évidemment de consacrer cet argent-là à des programmes sociaux, puisque le remboursement de la dette monopolisait un tiers du budget de l'État, on imagine, c'est énorme. Des intérêts aussi. Oui, c'est ça, c'est les intérêts qui s'accumulent, donc c'est vraiment colossal. Ici, il a tout simplement décidé de suspendre ça, donc ça lui a permis de consacrer une grosse partie de l'argent économisé à des projets sociaux. Merveilleux! Alors ça pourrait donner des idées à plus d'un pays, ça? Ah, c'est sûr que ça pourrait en inspirer plus d'un, et c'est d'ailleurs évidemment tout le propos d'Éric Toussaint. Lui, il appelle vraiment de ses voeux à ce que d'autres pays suivent le même processus, et notamment en Afrique, évidemment, qui est particulièrement touché par le phénomène du surendettement et qui en souffre énormément depuis des années et des années. Il évoque le cas de la Tunisie qui pourrait, selon lui, fournir un excellent exemple maintenant. Elle pourrait profiter de cette nouvelle transition pour justement former un comité d'audit similaire à ce qui était fait en Équateur pour bien auditer sa dette et éventuellement ne pas avoir à honorer les engagements qui ont été pris par le dictateur Ben Ali. Alors, et des belles leçons, en tout cas à méditer, cas à suivre. Tout à fait. C'est vrai que bon, je l'ai rappelé le cas de l'Islande, on avait déjà parlé, donc c'était déjà l'illustration de cette logique-là et d'essayer un peu de rompre avec cette idée que l'économie internationale, c'est une espèce de sphère qui s'impose à nous, c'est une espèce de pouvoir omnipotent auquel on peut rien, donc vous n'y pensez pas, on va être sanctionné par la concurrence internationale, vous n'y pensez pas, les marchés vont refuser de nous prêter de l'argent, etc. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de... Mais c'est ce qui est vendu comme idée, de surpuissant, et c'est un peu voilà la justification qui est utilisée à différents niveaux, mais pour installer des politiques en disant bah, écoutez, c'est pas notre faute, c'est l'économie internationale qui le veut. Donc ce qui est intéressant avec ces cas-là, avec le cas de l'Islande, mais aussi avec les cas qui sont évoqués par Eric Toussaint, c'est que finalement ça nous montre bien que les dictats de l'économie mondiale ne sont absolument pas une fatalité, que c'est des acteurs comme vous et moi. Mm-hmm. Donc c'est une question de rapport de force et c'est une question aussi de volonté politique. Donc on peut tout à fait résister à ça, on peut tout à fait s'indigner aussi, surtout, il faut toujours s'indigner et refuser de prendre les choses pour acquis. Et puis il faut surtout rappeler qu'en définitive, ça doit être les peuples qui décident souverainement de ce qu'ils font. Alors, mais bien merci pour ces belles paroles, Cédric. Plaisir. Alors, on sent une ère d'affirmation, en tout cas au niveau des pays et de leur identité, peut-être. Alors, on va devoir en rester là pour aujourd'hui. Alors, merci de nous avoir fait le tour de cette question et de nous avoir partagé une fois de plus ces précieuses, essentielles informations de l'actualité. Alors, quant à nous, c'est déjà l'heure de quelques publicités. Au retour, on retrouve Robert Jasmin pour la deuxième partie d'émission. À tout de suite! Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. CKRL passe en mode financement. Les 1er, 2 et 3 avril prochains, le 89.1 sera animé d'une manière toute spéciale. La programmation régulière laissera sa place à une programmation haute en couleurs et en son. Pour sa 30e édition, le Radioton sera marqué d'une panoplie d'invités aussi variés que sa programmation. Des hommes et des fans d'affaires, des personnages politiques, des artistes se succéderont au micro pour partager leur passion et leur amour pour la plus ancienne station de radio communautaire francophone au monde. Soyez à l'écoute le 1er, 2 et 3 avril prochains. Les efforts seront déployés afin que vous soyez comblés, car la personne la plus importante de cet événement, c'est vous. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de 300$ du restaurant Le Poisson d'Avril. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Pour l'occasion, faites un don pré-radioton de 10$ et plus avant le 1er avril. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... Dimanche, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr. Franco, un vaccin contre la morosité. CKRL 89.1. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Le Bal du Lézard. Oh, il va aller pour le bon et playing for change, Mokil Mobimba, more fire. Don't you know, talking about revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about revolution sounds like a whisper. Whatever. Standing in the way for our lives. crying at those times or those ambitions of starvation. Wasting time in the unplumbing lines, sitting around, waiting for a promotion. Don't you know, I'm talking about it. Get monsters. Oh, people gonna rise up and take their shares. All of you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Don't you know better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. I'm starting to turn, talking about revolution. Finally the tables are starting to turn, talking about revolution. Oh, oh, yeah. Talking about revolution. Oh, yeah. Talking about revolution. Oh, yeah. Oh, yeah, it can make me be so. Salate, que la cité, oh, coquini boca, boca y amor pa' con mi mabe. Talking About a Revolution du collectif Playing for Change, une chanson originellement écrite par Tracy Chapman. Merci Fabien. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1. Alors, pour la deuxième partie d'émission, c'est avec plaisir qu'on retrouve Robert Jasmin. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, tu voulais nous parler, dans le fond, d'un témoignage d'un participant au forum, le premier forum social mondial en janvier 2001. Oui, en fait, je pense que on a un devoir envers l'histoire, puis en comprenant d'où on vient, ça nous fait mieux mesurer le présent. Et il faut jamais oublier cette année que c'est le 10e anniversaire mm-hmm. du premier Forum social mondial de Porto Alegre. Porto Alegre qui est devenu un nom mythique depuis. Mm-hmm. Et comment est né ce premier forum social mondial? Et pourquoi, en fait, j'en fais un témoignage ce soir? Ben, vous allez comprendre un peu plus. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler, c'est comment c'est né? D'où ça vient, l'idée d'un forum social mondial? D'abord, il y a des points de repère. En 99, il faut jamais oublier la bataille de Seattle. Mm-hmm. Le premier grand rendez-vous des mouvements sociaux mondiaux. Là où les gens ont été même surpris de se retrouver si nombreux et de si loin, venus de si loin. Ça a été un mouvement d'opposition à Seattle. Par la suite, tout de suite après Seattle, il y a des mouvements comme Attaque internationale, avec le mouvement des sans-terre, quelques intellectuels latino-américains qui ont décidé, qui étaient à la tête de certains mouvements sociaux là, assez importants. Ils se sont réunis, une dizaine de personnes, pour dire, est-ce que maintenant, ce ne serait pas le temps de passer, après la contestation, passer aux propositions? Et est-ce qu'on ne devrait pas réunir tout ce monde-là, mais pas dans un contexte d'affrontement contre les néolibéraux, mais entre nous? Alors, l'idée du Forum social, ça a été ça. Et voilà, ils ont décidé que c'était au Brésil et à Porto Alegre. Okay. C'était beaucoup, j'allais oublier, c'était beaucoup aussi, il y a une autre ville qu'il faut mentionner, à part de Seattle, c'était en fait, même les gens, les journalistes à l'époque, appelaient le Forum social mondial l'anti-Davos. Parce que les leaders des mouvements sociaux qui ont décidé du Forum social ont dit, nous allons choisir les mêmes dates que Davos pour montrer à la face du monde qu'il y a autre chose que Davos. Tout à fait. Donc, comment Attaque Québec s'est retrouvée à Porto Alegre? On devrait dire comment Attaque Québec a failli ne pas se retrouver à Porto Alegre. Ah, ben, c'est encore plus intéressant. Oui, parce que il faut se remettre à l'époque. Attaque Québec qui est un mouvement naissant. Nous n'avons pas un sou. Penser à payer un billet d'avion pour Porto Alegre, autour de, si ma mémoire est bonne, autour de 14 ou 1500 $, c'était impensable pour nous. Une belle surprise nous attendait. 3 semaines avant le début du Forum social, c'est-à-dire autour du 1er janvier, on apprend que les métallos sont prêts à nous financer à condition qu'on leur fasse un rapport en revenant. Donc, on a un cadeau. Évidemment, c'est le branle-bas de combat pour deux choses. La première, c'est que il fallait un visa. Et donc, la course au visa, mais avec un consulat brésilien à Montréal extrêmement coopératif. Ce qui a fait que les candidats au Forum social mondial passaient avant tout le monde. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir à la fois le billet d'avion, mais avec le parcours du combattant, parce que je me souviens plus combien de changements d'avion j'ai dû faire pour me rendre jusqu'à l'extrême sud du Brésil. Donc, et la deuxième chose qui a fait que tout s'est fait très vite, c'est qu'on avait dit aux futurs participants, mais la plupart étaient inscrits depuis déjà 4-5 mois, donc ils avaient eu le temps de se préparer, on avait dit, on aimerait ça, dans un geste culturel et politique, faire une immense mosaïque. Alors, on demanderait à chaque participant venu des quatre coins du globe d'apporter de chez lui une pierre de chez lui avec une inscription. Et ben nous, on a trouvé une pierre dans la carrière de Rivière à Pierre, dans Portneuf. On a trouvé des gens qui nous donnaient une pierre, bien polie. Et après ça, il fallait faire une inscription dans la pierre. Alors, on est allé voir une société qui fait des inscriptions funéraires pour les pierres tombales. Et on a demandé au patron s'il acceptait gratuitement de faire ça. Il a dit, moi, j'accepte au niveau du principe, mais vous allez demander aux ouvriers, s'ils acceptent, je veux bien, de le faire gratuitement. Et ils ont accepté. Et la pierre qu'Attaque Québec a apportée, c'était écrit « Les gens avant l'argent ». Et c'était signé Attaque Québec. Et j'avoue que ça a été très, très remarqué dans la grande mosaïque internationale qui a été créée. Tout à fait, je comprends. Et puis, à quoi, donc, là-bas, là, à quoi pouvait-on s'attendre en termes de participation, les perspectives d'une expérience telle quelle, parce qu'il y avait, aucun précédent, là, avant? Il n'y avait aucun précédent. Mm-hmm. En fait, très honnêtement, je me rappelle à l'époque que lorsqu'on parlait entre nous, les représentants de différents groupes, parce que j'étais le seul d'Attaque Québec, mais il faut quand même savoir qu'il y avait d'autres groupes québécois comme alternative qui avaient des délégués là-bas au Forum social. Et entre nous, en entendant aussi les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui avaient pris l'initiative, on nous disait, puisqu'il n'y a eu aucune publicité, puisque les médias n'ont pas du tout parlé, mais que ça a été uniquement le bouche-à-oreille des réseaux. Oui, tout à fait. Ben, on s'attendait à 3000 personnes. Quand même. C'est-à-dire que 3000, ça aurait été un grand succès pour un premier Forum social mondial. Et on s'est retrouvé là-bas, 11 000. Alors, ça a été une surprise pour tout le monde. Surprise aussi pour les organisateurs. Il a fallu réorganiser le tout à la dernière minute parce que plus les inscriptions venaient, plus il fallait la logistique. L'hébergement. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a là pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une réunion citoyenne globale, c'est-à-dire des gens venus de tous les coins du globe, de tous les continents, et au niveau international, tout s'est toujours joué entre hommes. Mm-hmm. Et là, on avait 48% de femmes, presque la parité. Mm-hmm. Et si on se réfère au même moment à Davos... Ça, c'était la même journée, là. C'était les mêmes journées. Les mêmes journées. Mm-hmm. Oui, les mêmes 5 jours. À Davos, il y avait environ 2000 hommes, et j'insiste sur hommes, blancs, riches, du Nord. Alors nous, on était au Sud, avec les gens du Sud, avec les gens de la pauvreté, donc de la réalité, parce que la réalité, c'est la pauvreté, c'est pas la richesse. La richesse, c'est la petite pointe de privilégiés au niveau du globe. Et donc, c'était une grande, grande première mondiale que cette rencontre. Quelle rencontre, en fait. Puis, physiquement, de quoi ça pouvait avoir l'air, là, les lieux où ça se déroulait, les activités là, du forum? Alors, là aussi, il faut voir 11 000 personnes qui débarquent dans une ville, des gens qui viennent des mouvements sociaux, des gens sans argent qui vont chercher de l'hébergement citoyen un peu partout. Mais il y avait aussi la création... il faut commencer par dire que tout nous était favorable. Le choix de Porto Alegre n'était pas un hasard. Porto Alegre était une ville que les Nations Unies citaient en exemple partout dans le monde parce que dans cette ville, on avait initié le fameux budget participatif. C'est-à-dire, c'est les citoyens, dans des débats constants, qui contrôlaient le budget de la ville de Porto Alegre. Il faut le rappeler. Mm-hmm. Bon. Et la ville de Porto Alegre était aux mains du PT, le Parti des travailleurs. OK. Et donc, on était en terrain plus qu'amis. Mm-hmm. Et le PT, qui dirigeait la ville, nous a facilité la tâche partout. Donc, il y avait des citoyens qui étaient prêts à héberger. Les autorités de la ville nous offraient non seulement les locaux des universités de la ville, notamment l'Université catholique, où dont le nom m'échappe bêtement, et qui nous donnaient leurs locaux au complet. On nous a même prêté le gymnase de l'armée. Et la chose qui a frappé l'imagination de tous, c'était le fameux campement. Ah, c'est-à-dire oui? que les gens arrivaient avec tentes et sacs de couchage. Mm-hmm.

Alors, on est toujours en compagnie de Robert Jasmin, qui nous fait part de son témoignage du premier forum social mondial qui s'est déroulé à Porto Alegre en janvier 2001. Alors, nous en étions au campement de la jeunesse. Alors, je me risque à te poser cette question. Robert, est-ce que tu étais au campement de la jeunesse? Non. Pas parce qu'on ne m'aurait pas permis d'y être, parce que même si ça s'appelait le campement de la jeunesse, les moins jeunes étaient autorisés d'y aller. C'est rassurant. Alors, donc, moi j'ai eu la chance. En fait, c'est ça à quoi servent les réseaux aussi. Hein. Mm-hmm. C'est que le réseau ATTAC m'a mis en contact avec des gens du PT là-bas. Et j'habitais chez un intellectuel et deux militants du PT qui m'ont accueilli chez eux et qui sont devenus de très, très, très grands amis. Ah, j'en doute pas. Des belles rencontres humaines. Ah, oui, c'est ça qu'on oublie. Hein. C'est pas juste de la politique, hein. C'est aussi des rencontres mm-hmm. personnelles. Tout à fait, puis ça, c'est ça. Et puis, il y avait des activités. Oui, alors suppose. Les activités. Évidemment, je pourrais en parler pendant 2 heures. Là, oui. Bon, je vais essayer de raccourcir tout ça. Évidemment, beaucoup, beaucoup de conférences. Mm-hmm. De différents types, de différentes ampleurs, des petits séminaires de 40-45 personnes, mais dans une salle qui pouvait en contenir en principe 15 à 20. On était entassés. Il y avait toujours des volontaires pour traduire dans la langue de la majorité. C'était formidable le côté organisation. Et donc, par exemple, des gens un peu moins connus, comme l'économiste qui vient des Philippines, Walden Bello, qu'on lisait dans les grands journaux comme Le Monde diplomatique, ben là, on le voyait en personne, on pouvait discuter avec lui. Mais on comprend que quand c'était pour Chomsky, ben là, il n'y avait pas de salle assez grande pour recevoir Chomsky. Alors, c'était les vedettes hein, de l'altermondialisme. Et il y avait aussi les rencontres avec les autres mouvements ATTAC. Ça, c'était formidable parce qu'on voyait ce qui se faisait dans les autres pays. Donc, ça, c'était des petites réunions entre nous. On côtoyait des gens qui avaient des kiosques qui faisaient la promotion de publications dans toutes les langues de tous les continents. J'ai même de mon côté, moi, on m'a demandé une entrevue pour la télévision brésilienne avec traduction simultanée où on me demandait comment fonctionnait le code du travail au Québec. Ah, oh, wow! Donc, en fait, même les gens du Brésil profitaient de la du passage du Forum social mondial. Des beaux échanges. Oui, les échanges. Et alors, ce qui est très curieux, c'est le nombre d'heures qu'on a eu la chance de passer entre Québécois. Alors, c'est un peu ironique, hein? C'est aller très loin pour se voir. Mais dans ça le arrive, monde, ça. Mais dans le monde militant, on va participer à des actions communes, mais on n'a jamais le temps de se parler. Mm-hmm. Là-bas, on s'arrêtait, on pouvait aller dans un café. En parlant de café, je vais relater une petite histoire qui vaut 1000 mots. C'est tous les soirs, il y avait une rue qui était considérée comme la rue de gauche. De Porto Alegre, qui s'appelait Rua da República, la rue de la République. Et là, on occupait la rue carrément. Les gens qui avaient des cafés tout le long de la rue étaient obligés de mettre des chaises et des tables dans la rue. Et un soir, alors qu'on était, je pense qu'on était 12 ou 13 personnes attablées autour de 3 petites tables de café, et on se donnait nos nationalités. Et quand moi, on est arrivé à mon tour, j'ai dit « Québécois ». Et il y a un Américain qui me regarde et dit « Ah! » Il me dit en anglais « Vous êtes du Québec? » Eh bien, il dit « Écoutez ce que j'ai pour vous. » Et j'ai entendu un Américain chanter en français « Je voudrais voir la mer. » Oh, wow! Alors, c'était très, très émouvant. Mm-hmm. Alors, des rencontres comme ça, il y en a eu beaucoup. C'était ça aussi, le Forum social. Et je pense que on n'insistera jamais assez pour parler des à côté de tout ce qui se passe d'une façon officielle, grandiose. Et aussi, ben là, une rencontre, une autre, une autre qui était assez étonnante. Vous allez comprendre pourquoi. Pardon. Il faut savoir que le Parti des travailleurs cherche, comme n'importe quel parti politique, à être financé. Alors, imaginez-vous comment il se finance une fois par année. Il demande à tous les restaurateurs de Porto Alegre s'ils acceptent de recevoir les militants le même dimanche soir. Et tous les militants du parti vont au restaurant ce soir-là. Mm-hmm. Mais comme c'est un soir où normalement les restaurateurs ne font pas des grosses affaires, ben là, ils ont la chance de remplir le restaurant. Alors, même les restaurateurs de droite acceptent l'arrangement, c'est-à-dire de donner 15 % des profits de la soirée au PT. Ah, d'accord. Et ce soir-là, mes amis m'amènent dans un restaurant et à un certain moment, la fille du couple me dit « J'ai quelqu'un à te présenter. » On s'est levé. Elle m'a amené à une autre table. Elle a dit « Lula, wow. Je te présente. » Alors, il n'était pas président à ce moment-là. Ah, OK. Mais elle m'a dit après, « Tu viens de donner la main au futur président de la République. » Ah, c'est quand même incroyable. Ouais. Ah, wow. C'est vraiment un superbe témoignage et qui restera vraiment précieux, j'en suis certaine. En si peu de temps. Et oui, je mon sais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est déjà la fin. Alors, merci Robert beaucoup pour cette chronique qui est toujours palpitante. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Alors, un grand merci à Fabien Dubuis, qui est à la mise en onde, Nicole Moreau et Cédric Leterme, ainsi qu'à Robert Jasmin pour leurs interventions. Et je vous remercie, chers auditeurs, d'être avec nous à tous les vendredis soirs. Alors, on vous rappelle que les enregistrements sont disponibles via le site de CKRL ou celui d'Attaque Québec. Alors, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de sable. D'ici là, restez bien branchés sur ce qui se vit ici, à travers le monde. Et je vous invite, donc, à surveiller ce qui se passe en Libye cette semaine. Mon nom est Valérie Blouin, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine. Je vous laisse donc en compagnie des Jean-Baptiste Duvigneau et Golvendi avec 100% dynamite tout de suite après ces quelques publicités sur les ondes de CKRL, cette radio merveilleuse qui cultive tes goûts.